suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. Psaume 73, 28. Bonne condition d'écoute. Que tu nous rencontres ce soir. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tous crient. Dans son beau palais, tous crient. Nous sommes en train de vous saluer dans le nom de Jésus. Et nous avons reçu beaucoup de témoignages de ceux qui suivent en ligne. Nous disons merci aux médias. Et nous saluons tous ceux qui sont en ligne, qui sont en train de nous suivre. J'ai reçu un bon témoignage hier. Une famille qui nous suivait de Kinshasa. Pendant les quelques minutes qu'on a prié, il y a un homme qui s'est retrouvé par terre parce que il était tellement correcté. Dieu l'a touché. Dieu, il est au-delà de ce que nous pouvons voir. Alors, dis à celui qui est à côté de toi, toi qui es présent, prêt à quelques mètres. À combien plus forte raison, donc l'onction de proximité. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans les livres de Matthieu, chapitre 1er, 1 à 6. Nous sommes en train de parler de quatre mystères qui accompagnent une destinée qui a un sens. Quatre mystères qui accompagnent une vie qui compte. Et nous disons que le premier mystère, c'est le mystère de l'identité. Deuxième mystère, c'est le mystère de la saison. Troisième mystère, c'est le mystère de l'onction. Et le quatrième mystère, c'est le mystère de la direction. Et nous sommes encore au premier mystère, le mystère de l'identité. Je voudrais conclure par le premier mystère par cet enseignement de ce matin, de ce soir. Et donc, on va conclure sur l'identité. Demain, on va parler du deuxième mystère. Le mystère de l'identité. Nous avons dit l'identité, c'est tout un mystère. Parce que tout ce que vous êtes est connecté à votre identité. Si on peut aller dans une dimension terre à terre, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont accompagnés même par leur nom. Et il y en a ceux-là dont les noms n'ont pas d'impact. Mais j'ai déjà eu à participer à la délivrance d'une personne qui ne comprenait pas comment il était voleur. Donc lui-même se demande pourquoi le vol est attaché à sa vie. Mais à la fin, on a découvert qu'il portait le nom d'un de ses oncles qui était vraiment un bandit du village. Ça n'arrive pas à tout le monde. Mais il y a des gens dont le nom influence leur vie. Ça, c'est seulement par rapport au nom. Et je dis que l'identité a plusieurs facteurs. Il y a le sang kuna damu, il y a les noms, kuna jina, il y a, n'est-ce pas, comment on a dit, il y a la génération, kuna kizazi, il y a les territoires, kuna eneo, il y a toutes ces choses. Kuna mambo haya. Nous avons parlé de quatre lois hier na tuliweza kusungumzia sheria ine jana, qui peuvent réclamer votre identité. Ambazo zinaweza kudai utambulisho wako. Les quatre lois qui déterminent votre identité. Sheria ine zinazoonyesha utambulisho wako. La loi du sang. Sheria ya damu. Il y a des gens qui naissent déjà sorciers. Kuna watu ambao wanazaliwa wakiwa tayari ni wafumu ama wachawi. Il y a des gens qui naissent déjà défavorisés. Kuna watu ambao wanazaliwa hawana bahati maishani. On a parlé de la loi du territoire. Tumezungumzia juu ya sheria ya eneo. Votre territoire peut vous réclamer. Eneo yako inaweza kukudai. Ou votre territoire peut vous rejeter. Ama eneo yako inaweza kukutupilia. Et il faut briser ces lois na inaomba kuvunja sheria hizo pour vivre une vie qui a essence. Ili uishi maisha iliyo na mafaa. Les lois de la génération. Chaque temps a des choses. Chaque temps a des lois. Et quand on n'est pas dans ces lois-là, les lois vous rejettent. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas préparé. Kwa neema ya Mungu sikutayarisha. On va prier. Tutaomba. Mais je vais parler pêle-mêle. Lakini nitaongea tu kiolela. Juste pour donner à quelqu'un une requête. Kwa kumpatia mtu hitaji. Juste pour que quelqu'un retrouve quelque chose à dire à Dieu. Ili kwamba kila mtu apate kitu cha kumwambia Mungu. Nous allons prier. Na kisha tutaomba. Matthieu chapitre 1er. Matayo sura moja. Le premier verset jusqu'au 6e. Mstari wa kwanza hadi sita. Généalogie de Jésus-Christ. Ukoo wa Yesu Kristo. Fils de David, fils d'Abraham. Mwana wa Daudi, wa uzao wa Abrahamu. Abraham engendra Isaac. Abraham alizaa Isaka. Isaac engendra Jacob. Isaac alizaa Yakobo. Jacob engendra Judas et ses frères. Yakobo alizaa Yuda na ndugu zake. Judas engendra Tamar, Peret et Zara. Na Yuda alizaa Peresi na Zera kutoka mke wake Tamari. Peret engendra Ezron, engendra Aram. Peresi alizaa Esroni, Esroni alizaa Ramu. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasan. Ramu alizaa Aminadabu na Aminadabu alizaa Nasoni. Nasan engendra Salmon. Nasoni alizaa Salmoni. Salmon engendra Boaz de Rahab. Na Salmoni alizaa Boazi kutoka mke wake Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Na Boazi alizaa Obed kutoka mke wake Ruta. Obed engendra Isaac. Obed alizaa Yese. Isaïe engendra David. Yese alimzaa mfalme Daudi. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Na Daudi alizaa Salomono, mama yake ndiye yule aliyekuwa mke wa marehemu Uria. Voilà ce que nous allons développer aujourd'hui. Tazama ile ambayo tutazungumzia leo. Ça vous dit quelque chose? Je nawaambia kitu. Je suis sûr que ces noms-là vous perturbent. Agendra, agendra, ça se veut dire quoi? Akaza, akaza, ini vitu gani? Alléluia. Allons dans ce qui est plus facile. Twende ndani ya ile ambayo iko rahisi. Genèse. Ndani ya kitabu cha Mwanzo. Genèse. Mwanzo. Chapitre 27. Sura 27. Verset 30. Mustari wake wa makumi tatu. Jusqu'à 40. Hadi 40. Isaac avait fini de bénir Jacob. Isaac alipokwisha kumbariki Yakobo. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Esaü son frère revint de la chasse. Naye Yakobo alipokuwa ngali tu anatoka mbele ya baba yake Esau kaka yake akarudi kutoka katika mawindo. Verset 34. Makumi tatu na ine. Ou alors verset 33. Ama makumi tatu na tatu. Isaac fut saisi d'une grande et une violente émotion et dit. Hapo Isaac akatetemeka sana akasema. Qui est donc celui qui a chassé le gibier? Ni nani yule aliyewinda? Et me l'a apporté. Na kuniletea nyama ya mawindo. Je l'ai mangé. Nami nimekwisha kula. Tout avant. Mbele, que tu viennes. Haucha kuja. Je l'ai béni. Tena nimekwisha kumbariki. Aussi sera-t-il béni. Hakika na amekwisha kubarikiwa. Lorsque Esaü a entendu les paroles de son père, il poussa de forts cris. plein d'amertume. Aliposikia maneno ya baba yake akalia kilio kikubwa. Il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Kisha kamwambia baba yake, baba yangu nibariki mimi. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ndugu yako alikuja kwa udanganyifu na ametoa baraka yako. Esaü dit, est-ce que c'est parce qu'on l'appelle du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Esaü, voici je l'ai établi maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Isaka akamjibu akimwambia nimekwisha kumfanya Yakobo kuwa mtawala wako na kumupa kwa ndugu zake wote kuwa watumishi wake. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Nimempatia ngano na divai. Que puis-je donc pour faire pour toi? Nikufanyie nini sasa wewe? Esaü dit à son frère, n'as-tu que cette bénédiction mon père? Esaü akamwambia baba yake, baba, maana yake una baraka moja tu. Bénis-moi aussi mon père. Unibariki hata mimi eh baba. Esaü éleva la voix et pleura. Alafu Esaü akalia kwa sauti kubwa. Esaü son père répondit, Isaac son père répondit et lui dit. Kwa hiyo Isaka baba yake akamwambia, voici ta demeure sera privée de graisse. Makao yako yatakuwa mbali na udongo wenye mbolea. Et la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée. Et tu seras servi à ton frère. Mais en ira librement ça et là. Tu briseras le cou de dessus. Le joug de dessus de ton cou. Amen. Amen. Amen. Amen. Ce soir, je voudrais nous amener à prier. Et nous allons prier avec quelques personnes. Na tutaomba na watu wa aina fulani. Le sujet, c'est quoi? Na mada ni nini? Je vais parler de lorsque vous n'avez aucune identité pour mener une vie qui a un sens. Nitazungumzia mada inayosema wakati hauna utambulisho wowote kwa ajili ya kuishi maisha iliyo na mafaa. Lorsque vous n'avez pas un fondement qui vous permet de mener une vie qui compte devant Dieu. Wakati hauna msingi wowote unaoweza kukusaidia kuishi maisha iliyo na thamani mbele za Mungu. Okay? Vous savez, najua tel que nous sommes là, jinsi tulivyo hapa, nous cherchons Dieu. Tunamtafuta Mungu. Qui est venu chercher Dieu ce soir? Nani amekuja tafuta Mungu jioni leo? Ah, vous tous. Nyinyi wote. Que Dieu vous bénisse. Acha Mungu awabariki. En fait, ceux qui sont venus voir les hommes, ils peuvent déjà terminer leur culte. Wala ambao wamekuja kuona wanadamu, ibada yao inaweza kuisha tayari. Ceux qui cherchent Dieu naomtafuta Mungu se caractérisent par une réalité. Wana tabia ukweli moja. C'est qu'ils savent que Dieu, il est le dernier recours. Ni kwamba wanajua kwamba Mungu ndio kimbilio la mwisho. Tant que nous avons encore des options, wakati tungali na uchaguzi mwingi. Quand nous avons encore beaucoup de choix, wakati tungali na chaguo nyingi. Il y a une faible portion pour vivre la gloire de Dieu. Hapa kuna sehemu ndogo sana kwa ajili ya kuishi utukufu. La gloire de Dieu est réservée aux hommes et aux femmes. Utukufu wa Mungu unaandaliwa kwa ajili ya wanaume na wanawake. Qui n'ont plus assez d'options. Ambao hawana uchaguzi mwingi. Qui n'ont plus assez de choix. Ambao hawana chaguo nyingi. Qui sont au bout. Ambao wamefikia mwisho. Et qui disent, si je n'ai rien d'autre à aller. Ambao wanasema sina nafasi pengine pa kwenda. Jésus a dit à ses apôtres. Yesu kawaambia watume wake. Allez-vous vous aussi, pourquoi vous êtes encore là? Si nanyi muende sababu gani mungali hapa? Pierre dit. Na Petro anasema. Où irons-nous encore? Tutaenda wapi tena? C'est toi qui as la parole de la vie. Ni kwako ndiko kuna maneno ya Mungu. Nous n'avons pas un autre endroit où nous pouvons aller. Hatuna nafasi nyingine ya kwenda. Nous n'avons pas un plan B. Hatuna nafasi pengine. Tu es le seul plan. Wewe ndiwe chaguo moja. Tu es la seule option. Wewe ndiye chaguo moja. Tu es le seul choix que nous avons. Ndio chaguo moja tunayo. Dieu a besoin de ces hommes et de ces femmes qui ont le seul choix qui est Dieu. Qui ne s'attendent qu'à Dieu. Et ce sont ces gens qui peuvent témoigner. Si tu es là ce soir, c'est que tu as rendez-vous avec Dieu ce soir. Je vais parler de 4 ou 5 catégories de gens. La première catégorie de ceux-là qui sont intéressés, ceux qui sont concernés ce soir. Je les appelle les défavorisés naturels. C'est-à-dire, dès le matin, la nature vous a disqualifié. Vous n'avez rien fait. Et déjà, vous êtes disqualifié pour la course. Quand on parle des élévations multiples, déjà vous êtes disqualifié. Les disqualifiés naturels. La nature dit déjà que vous ne pouvez pas réussir. Si on parle de bonnes choses, ça ne vous concerne pas. C'est comme Mephibosheth. Mephibosheth, quand il est enfant, la Bible dit la servante qui le portait va le faire tomber et il va avoir des difficultés et il va grandir déjà boiteux. Et il y a une loi qui dit les boiteux et les aveugles ne peuvent pas entrer dans le palais royal. C'est-à-dire naturellement, Mephibosheth ne doit plus rêver entrer dans le palais. Il y a une loi qui l'empêche de croire à cela. Ce soir, Dieu a rendez-vous avec ces hommes et ces femmes. La nature est en train de te dire, toi, tu n'es pas éligible. Dès la naissance, de par ta tribu, de par ton nez, tu n'es pas concerné par la bénédiction. Quand on dit, on peut amener une vie qui compte devant le Seigneur, tu es disqualifié. Tu le sens. Tu le sais. Même quand on presse, on dit Dieu élève du fumier. Il fait asseoir avec les grands. Tu ne peux pas faire une offrande de prophète parce que tu es conscient que tu n'es pas concerné. Est-ce que tu es là ce soir? Les disqualifiés naturels. La nature dit, toi, tu n'es pas concerné. Il y a des gens qui ont des maladies. Et déjà, ces maladies te disqualifient. Je m'excuse de donner cet exemple. Mais je bénis Dieu parce que Dieu l'avait changé. Une jolie dame qui priait et elle était une disqualifiée naturelle. Mais bien sûr que c'était naturel. Ou alors démoniaque, pardon. Depuis les bas âges, elle est connue qu'elle fait pipi chaque nuit. Et elle ne pouvait pas aller aux vacances. Elle ne pouvait pas dormir chez le voisin. Parce qu'elle sait que chaque matin, il y a un ridicule. Il y a un ridicule. Mais la famille connaît déjà. Alors il faut rester dans ce cercle-là. Heureusement, elle était dans les parages du roi Jésus. Elle a refusé au moins 3 mariages. Quand le premier mariage arrive, on veut amener la dot. L'homme l'aime. Elle aime l'homme. Et l'image revient. Le premier jour de ton mariage. La première surprise. C'est ce que tu vas faire. Et dit non, mon frère. Je suis désolé, je ne me sens pas. J'étais comme les Sambaza aiment l'eau. Non, merci, mon frère. Apana. Va chercher une autre. Et dans le coin, elle est en train de pleurer. Comment je peux rater un homme comme ça? C'est toi qui le refuses. Parce que il y a un secret. Deuxième homme. Et jusqu'à ce qu'elle a choisi d'aller vers l'homme de Galilée. Tu peux ôter cette honte. Il y a des choses que les médecins ne font pas. Il y a des choses que l'amour des parents ne peut pas résoudre. Malgré leur amour. Ils regardent un puits sans membres. Ils n'ont pas de solution. Même s'ils disposaient l'argent, l'argent est impuissant devant eux. Jésus a besoin de ces gens-là. Ce sont ces genres de personnes qui connaissent la valeur de l'Église. La deuxième catégorie de personnes, je vais parler des disqualifiés circonstanciels. Sur le chemin de leur vie, ils ont rencontré des circonstances. Et les circonstances ont fait que ils ne peuvent plus postuler à une vie qui a essence. Même quand ils sont prêts, mais il y a une histoire. Tu ne peux plus. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle casier judiciaire. Et on dit pour être président de la République, vous devez avoir un casier vierge. Voyez-vous. Et donc si votre adversaire parvient à vous mettre quand même en prison, il vient de vous disqualifier pour la candidature prochaine. Casier judiciaire. On a des atouts. On a des capacités. On a tout ce qu'il faut. Mais il y a une tâche qui annule vos compétences. Qui annule vos capacités. Et on peut vous dire, vous étiez le meilleur agent. Vous étiez le meilleur candidat. Mais nous sommes désolés. Nous ne pouvons pas vous prendre. Pourquoi? Parce qu'on a lu dans votre dossier, vous travaillez à l'OMS et vous n'avez pas bien fini, on a eu un feedback pas bien. C'est-à-dire vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais votre histoire vous disqualifie. Et il n'y a personne qui peut enlever la tâche. Il n'y a personne qui peut changer cette situation-là. Vous savez, il y a des choses qu'on ne change pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai rencontré une fille mère. Et l'enfant était vraiment menacé. Ou disons, le mariage était menacé. J'ai dit à l'homme, mais qu'est-ce qui se passe? Une bonne femme. Une femme qui bâtit sa maison. Mais il y a une histoire. Quand ça revient, ça bouleverse la joie de la famille. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? C'est une disqualification à la, au bonheur. Inakuwa kutupiliwa kwa ajili ya kupata furaha. Mais où on a besoin de dire, mais je ne peux pas remettre la fin dans le ventre. Na wapi ambapo naweza kusema? Je ne peux plus changer l'histoire. Siwezi rudisha mtoto ndani ya tumbo, siwezi badilisha tena historia. Mais est-ce que je peux encore mener une vie qui compte? Je naweza kuishi tena maisha ambayo ina thamani. Alléluia. Amen. La troisième catégorie des gens, aina ya tatu ya watu, ce sont des personnes, des hommes et des femmes, ni watu wanaume na wanawake, qui vivent dans la culpabilité permanente. Amba wanaishi ndani ya kujihukumu ya kila mara. Cette culpabilité fait que na hiyo kujihukumu inafanya kwamba ils ne savent pas être utiles. Hawajui kuwa na mafaa. Parce qu'ils se rappellent. Sababu wanakumbuka. J'aime Pierre. Nampenda Petro. Vous savez, ce n'est pas facile de prêcher Jésus. Unajua si rahisi kumhubiri Yesu. Alors que hier vous avez dit que Jésus n'est pas, vous ne le connaissez pas. C'est difficile hein, de commencer l'évangile. Ni vigumu kuanza injili. C'est là que Pierre, na ni hapo ndipo quand il est devant le phare, la femme, wakati iko mbele, la femme dit, mais toi aussi tu étais de ces gens-là. Mwanamke anamwambia, si wewe ulikuwa miongoni. Dis-moi. Mimi hapa. Oh, non. Hapana. Faut pas confondre les gens. Je vous dis, Dieu est bon. Nawaambia Mungu ni mwema. Il a caché ce que Pierre avait dit. Alifichika ile ambayo Petro alisema. Mais la Bible dit il a fait des imprécations. Na Biblia inasema kabisa il a juré. Alikuwa na essayez d'imaginer ce qu'il pouvait dire. Alikuwa na lapa, angalia ile ambayo anasema. Bon, moi j'essaie d'imaginer quelques phrases. Natima kumfikiria tu misemo tatu. Il pouvait dire moi à mon âge là suivre ce jeune homme. Mimi kwa miaka yangu nifuate kijana kama na huyu. Il était vieux. Sababu yeye alikuwa mzee. Il pouvait dire, mais moi je suis énorme. Hein. Moi j'ai une entreprise de pêche. Je vais être derrière un type comme ça. Il n'est même pas marié. Parce qu'il devait convaincre son auditoire. Dieu seul sait ce que Pierre avait dit. Na mwenyewe anajua ile ambayo Petro alisemaka. Et la Bible dit. Na Biblia inasema. À un moment donné. Kwa wakati moja. Quand le coq a chanté. Wakati jogo ilipowika. Jésus était dans l'ancle que j'appelle l'ancle de la repentance. Yesu alikuwa ndani ya pembe ninayoita pembe ya l'ancle du face à face avec Dieu. Alikuwa kwenye pembe ambayo anaita pembe. Jésus a été dans une position telle que Yesu alikuwa nafasi moja. Quand le coq chante. Wakati jogo inawika. Son regard va rencontrer le regard de Pierre. Macho yake yatakuta macho ya Petro. L'œil de Pierre rencontre l'œil de Jésus. Et Pierre se souvient de la prophétie. Je viens de le nier. Et il va dans son coin en train de pleurer. Je crois qu'il y a, s'il y avait un disciple de quatrième rang. S'il y avait un disciple là qui était petit, il pouvait dire, Pierre, est-ce que tu es encore qualifié pour venir être l'apôtre principal? Toi, toi et Judas, c'est presque la même chose. Vous avez trahi Jésus. Mais Pierre s'est relevé. Et je dis ce soir à quelqu'un, relève-toi. Tu peux nier Jésus aujourd'hui. Et demain, tu peux être l'apôtre principal. Parce qu'il y a toujours une seconde chance avec Dieu. Alléluia. Amen. La quatrième catégorie des gens que je vais adresser ce soir. Tous ces hommes et ces femmes avec qui nous allons prier. Ce sont des gens qui ont les origines disqualifiées. Vous êtes mal nés. Vous venez d'un coin mal réputé. Même l'école où vous avez étudié n'est pas connue. Vous savez, il y a des gens qui ont dit, j'ai étudié telle part. Ne sois pas inquiété, je ne vais pas demander à celui qui est à côté de toi de te poser la question sur ton école. Usianze babaika, sitaambia naye kwa pembeni yako. Mais il y a des gens qui sont stressés quand on dit mais. Lakini kuna watu ambao étudié ou a fait non, ça ne compte pas. Unapoanza kumuuliza ulisomea hapo, oh ile haina maana. Il y a pas de non. Haiko hapana. C'est en fait catastrophique. Sababu unajua kwamba ni les origines ne sont pas bonnes. Mahali ambapo présenter leurs parents. Parce qu'en fait, le père, c'est l'oncle de la mère. Comment vous allez le présenter? Le grand-père, c'est lui le père, parce que c'est lui qui a assenté sa propre fille. Babu yako, ndiye baba, sababu ndiye alimbebesha mimba mama yako. Kodi nom de la mère. Jina ya mama. Nom du père. Jina baba. Parce que le même père est sur la carte de la mère. Sababu yule yule baba iko kwenye kadi ya mama. C'est de vous que je parle. Wewe ndiye naongelea. Il y a des hommes et des femmes dont les origines les disqualifient. Ce sont des origines de malédiction. Ce sont des milieux mal réputés. Combien de gens ont même rencontré des personnes? Ils disent, je veux que tu m'épouses. Quand on lui dit, mais tu es de quelle famille? Non, tu sais, moi je suis un Arsois, je suis converti, je veux te marier. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Ta famille, non, c'est les révérends, c'est notre père spirituel. Non, je parle de ton père biologique, tu viens d'où avec? Parce que si on cite son nom, kama unataja tu jina lake, le nom du père, jina la baba, ça absorbe la beauté, les qualités. Inameza urembo wako wote, ile bien, mais de là où tu viens, uko kabisa mzuri, lakini mali unatoka. Il y a des gens qui sont éligibles, kuna watu ambao wana à la grâce, neema, éligibles à l'élévation, mais quand ils disent d'où ils viennent, lakini wanaposema wanatokea wapi, on prend des distances. Hapo unaenda mbali. C'est de toi que je parle. Je suis en train juste de te dire que tu es concerné ce soir pour prier. Nous ne sommes pas les mêmes. Voyez-vous, même quand nous prions, il y a ceux-là qui pensent que c'est de la blague. Moi, j'ai rencontré beaucoup de messieurs et même beaucoup de bishops, même des docteurs à théologie. Non, il ne faut pas prêcher la délivrance. Jésus a tout à ses mains. Il a tout accompli. Merci. Continuez avec votre théologie. On a vu déjà, il se réveille la viande dans la bouche. Tu vas lui dire que les démons n'existent pas. Tu n'as jamais vu les diables. Nous, les seigneurs, sont les diables. Il existe. Si tu ne l'as pas rencontré, bénis le Seigneur. Il y a un homme ici à Lubero, on lui a donné une grossesse. Il a engrossé une personne. On lui a donné une grossesse. L'homme était gros. Il ne faut pas blaguer avec l'ennemi. Le papa est là. Baba est là. Ici à Lubero. Le papa était là. Baba est quoi pour la nimba yake? Papa, nini ninakufikia? Qu'est-ce qui t'est arrivé, papa? Il ne faut pas blaguer. Hayo mbe kucheza. Voyez ça au prix là. Unaona tunapoomba. Asante, je te vous donner les selles. Nous voulons allumer le feu de la prière. Tunatafuta kuwasha moto. Vous voyez, il y a d'autres des gens qui font des prières comme de l'école belge. Kuna wale ambao wanafanya kama vile wamesomea kwenye masomo ya wabelge. Je bénis ton nom. Bwana Yesu nabariki jina lako. Acha ile mizaji. Laisse cette blague là. Toi tu ne connais pas. Wewe hujui. Tu es en train de suivre les choses. Uko naangalia mambo. Quelqu'un qui a déjà eu la grossesse dans l'état homme là. Kuna mtu ambaye amepata mimba na ni mwanamke. Sasa le démon. Wanapofukuza mapepo. Ah yeye atagunja mavazi. C'est vrai? Si Dieu ne me sauve pas, c'est fini pour moi. Sema kweli kama Mungu aniokoe, maisha yangu inaishia hapa. Il y a des gens qui ont des rats intelligents dans leur maison. Vous achetez une nouvelle veste, le rat arrive et il mange. Même endroit, 10 vestes déjà mangées de la même manière. Quand tu lui dis, benga moto. Oui, c'est vrai. Anajua kabisa ni moto ndio naita. Mais toi, quand on te parle de moto, là. Oh, on a pas si, mais, moto. Déjà, il m'embrouille. Il m'embrouille. Comment a ouko na ma problème? Enda. Si toi, tu n'as pas de problème, tu viens pour les pauvres. Tu vas partir, ah, tu vas revenir le lundi et puis on va prier là. Amen, mon Zako, dis moto. C'est le fait. Dis à ton prochain, on dit c'est le fait. Il n'y a pas de blague. Ah, kuna mzaha. Cinquième catégorie de gens. Aina ya tano ya watu. Ce sont des personnes qui sont maudits par ceux qui devaient le bénir. Ni watu ambao wanalainiwa na wale ambao wangepaswa kuwabariki. Ceux qui sont disqualifiés par ceux qui doivent le promouvoir. Wale ambao wanatupiliwa na wale ambao wangepaswa kuwainua. Voyez-vous, il n'y a pas de mauvaise chance. Unaona hakuna bahati mbaya. Que d'avoir une mère ou un père qui est en train de maudire votre diplôme. C'est votre propre parent qui est en train d'annuler votre bénédiction. Je connais un homme de Dieu. Il est allé faire une délivrance. Quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une grand-mère. Une maman. C'était pas en ville. C'était dans un milieu un peu reculé. Et la maman était dans la sorcellerie. Et avait sacrifié ses filles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Na nini lipitikana? Pendant, ce sont des choses qui se sont passées au Nord Kivu. Ni vitu ambavyo vimepitikana ndani ya jimbo. Et celui qui a fait cette délivrance est encore vivant. Je na peux vous le montrer, je peux vous donner les angali hai, naweza kuwaonyesha naye. Je m'excuse de l'exemple. Na omba msamaha. Mais kwa ajili ya le jour où recevait le visiteur, lakini siku ambayo alikuwa anapokea ugeni, soit discuter la dot de sa fille. Sababu ya kuongelea mali ya binti wake. La mama allait aux toilettes. Mama alienda ndani ya choo. Elle met sa toilette dans la cuvette. Na naweka choo elle yake met ndani, le fufu au-dessus. Ndani ya sani na naweka ugali juu. Vous savez, la sorcellerie, c'est le ridicule le plus noir quoi. Unajua uchawi kabisa ni haya iliyo nyeusi sana. Voyez quand quelqu'un sort la nuit, c'est tout la sorcellerie noire là ici. Quelqu'un sort la nuit, il est en train de faire comme ça, nu, derrière la maison. Vous ne savez pas ce qu'il fait. C'est vraiment l'esclavagisme. Et cette femme amène ce truc-là sur la table. Elle faisait tout pour trouver une occasion dans la cuisine. Elle est seule, elle fait ces choses. Et ceux qui mangent, quand ils arrivent, ils disent, mais qu'est-ce qu'on nous a donné? Et deux, trois fois, la famille a été mal réputée. Vous savez que là, imaginez quand vous trouvez une surprise comme ça. Je sais pourquoi je donne ces exemples. Parce qu'il y a ceux qui doivent quitter de leur localisation. Quand la mère ne vous bénit pas, quand le père ne vous bénit pas, nani atakubariki? Ce sont ces genres de personnes. Quand il arrive devant Dieu, il n'a pas dit frère. Il dit c'est toi. Si tu ne fais rien, je suis fini. C'est un français terrible. Il n'a pas beaucoup de conjugaison. Il n'a pas de concordance dans la prière. Il sait que c'est Dieu ou rien. C'est là que nous avons lu. Il y a un homme qui s'appelle Esaü. Esaü, ils sont nés à deux. Même jour, même chance. Ils ont fait 9 mois ensemble dans les seins de leur mère. Y a-t-il des jumeaux, des jumelles ici? Je peux vous voir. Vous allez comprendre. Comment vous sentez quand vous êtes avec votre voisin, votre soeur ou frère? Vous avez passé 9 mois dans les ventes. On peut dire qu'ils ont une même destinée. On peut dire qu'ils ont les mêmes chances. On peut dire qu'ils ont la même vie. Esaü et Jacob. Ils sont nés. C'était jumeaux. Ils ont reçu la prière ensemble. maternel, il y a déjà un départagement. Ils sont départagés. Hapa tayari wanagawanya. Et il y a une phrase. Na kuna msemo moja. Où il y a une révélation. Ama kuna ufunuo. Où la mère sait. Ambao mama yake. C'est le plus petit, celui qui est sorti après. Ya kwamba ule mdogo aliyetoka baadaye. Celui qui doit être le grand. Yeye ndiye atapaswa kuwa mkubwa. Tout ce qui se passe. Yote nayo pitikana. L'attention est sur Jacob. Et même l'amour de la mère a orienté la vie de ses enfants. Voyez-vous, Isaac était riche. Il avait des serviteurs et des servantes. Quand même, c'est l'héritier du grand Abraham. Il est l'héritier du patriarche. Au temps d'Abraham, Abraham pouvait compter 300 hommes. Nés dans sa maison, il les sélectionne, il les envoie pour aller se battre. C'est pas n'importe qui. Et il laisse l'héritage à Isaac. Isaac n'est pas un riche de la soirée. Il naît dans la richesse. Et il n'a jamais échoué. La Bible dit que tout un pays a été obligé de venir traiter alliance avec lui. Parce qu'il a creusé les puits de son père. On a fermé. Il est sorti, dit ok, je vais encore aller faire. Il a refait. On l'a poursuivi, il n'y a pas de problème. Il est allé jusqu'à retrouver Rehoboth. Quand il trouve Rehoboth, on dit non. Dieu t'a mis au large. On ne peut plus te combattre. Nous voulons traiter alliance. Il ne traite pas alliance avec un individu. Il traite alliance avec un pays. Vous voyez? Cet homme-là a deux enfants. Des jumeaux. Mais la Bible dit que Jacob restait sous les tentes. Parce qu'il était aimé. Un peu de... On est en train de faire des grillés. Oh, Jacob, viens prendre. Maman. Mais Esaü a été obligé d'être un chasseur. Vous trouvez ça normal? La taille de l'homme d'Isaac et son garçon, il est dans la brousse. Donc est-ce que c'est pour l'éduquer à être fort? Non. Non. À un moment donné, il ne jouissait pas de l'amour de sa mère. À cause de cette révélation qui était dans l'esprit de sa mère. Je crois qu'il ne faisait pas attention à cet enfant. Il a donné l'amour à Jacob. Mais le père avait une loi. Le père connaissait la coutume. La coutume disait, c'est l'aîné qui est l'héritier. Mais voyez-vous, Esaü est déjà disqualifié depuis le sein de sa mère. Disqualifié avant même de pécher. Romain dit ceci, j'ai aimé Jacob, j'ai rejeté Esaü. Mais pourquoi? Avant même de pécher, avant même de faire quoi que ce soit, il est disqualifié naturel. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et le Père qui connaît la loi, il dit, le jour de ma mort arrive. Je dois laisser un héritier. Je dois laisser la clarté dans mes choses. Et il appelle le fils aîné Esaü. Il dit, mon fils, je dois te bénir avant de mourir. C'est toi qui dois rester le gérant. Abraham m'a laissé. Moi, je dois aussi laisser un héritier. Mais je ne veux pas quand même te bénir sans que mon cœur soit dans la joie. Va me chercher à manger. Que mon cœur sente dans la joie. Que je libère la bénédiction. Esaü tout content. Mais allé dans la brousse, il se débrouille. Il y a une ferme de son père. Il se débrouille. Quand la maman a eu les formations, il est allé vers son fils bien-aimé. Il dit Jacob, on veut bénir. Et il dit Esaü. Il dit Jacob, oui. Ton père est au point de bénir. Et moi, je veux que la bénédiction soit pour toi. Ton père a dit qu'il va bénir ton grand frère. Mais c'est moi sa femme. Je vais le maîtriser. C'est toi qui dois avoir la bénédiction. Il est aveugle, il ne voit pas. D'ailleurs, c'est moi qui connais la sauce qu'il veut. Va derrière la maison. Prends une chèvre là-bas de ton père. Et il prend direct, c'était prêt, c'était derrière la cuisine. On égorge, l'autre là est en train de courir derrière le coin. Je ne sais pas quelle impétuosité il est en train d'utiliser. Il est en train de courir derrière le gibier. Son frère prend la chèvre à côté. On égorge la maman, la cuisine. Maman est là, laisse-la chou. L'état onja. Le frère, il est en train seulement d'amener les épices. Rebecca est sérieuse. Il fait la sauce que Jacob aime. Il met les onja. Ça, il t'affique à lui. Jacob dit. Et elle est préparée. Elle dit, bon, tu sais. Il faut qu'on termine la mission. Oui, en fait, mon frère est poilu. Moi, je ne parlais pas. Nous prenons la peau de la chèvre là. Il habille la peau de la chèvre. Il va prendre les vêtements de ton grand frère. Et il vient, il amène le repas. On le bénit. Le père, il sort, il dit, ah! Baba, anasikia. Il dit, mais le fils aîné, il est censé amener le gibier de la brousse. Anasema, mwanangu wa kwanza anapaswa niletee nyama ndani ya pori. La brousse est loin, le gibier ne sont pas là. Na pori siko mbali. Na mawindo haiko tena. Il exerce le discernement, il dit, ah. Anafanya utambuzi wa roho. C'est la voix de Jacob. Anasema, lakini mbona hii ni sauti ya Yakobo? Bon, mais quand je parlais, on était à deux. Lakini nilipongea si tulikuwa wawili. Mais Esaü, mon fils. Nasema Esaü mwanangu. Tu as trouvé déjà. Umeshapata tayari. Oui, le Seigneur a fait ton Dieu l'a envoyé avant. Asema ndiye Bwana wako alituma mbele yangu. Il dit, bon, viens, il faut que je te touche quand même. Anamwambia kuja inaomba nikuguse. Le vieux voulait vérifier. Baba alitamani kuchunguza. Est-ce que c'est lui? Je ni yeye. Il touche. Nanagusa. Les mains, mikono, sont les mains de mon fils aîné. Ni mikono ya mwanangu wa kwanza. Mais la voix c'est Jacob. Lakini sauti ninayosikia ni sauti ya Yakobo. Je suis devenu aveugle là, je peux me tromper. Nimekuwa kipofu basi. Mimi naweza jidanganya. On l'avait déjà compliqué. Wamekuwa wameshamsumbua. On a même habillé le fils. Wakamvalisha hata mwana. Il dit, approche que je puisse te baiser. Il est en train de chercher l'odeur. On l'a piégé. Il a porté aussi les vêtements. L'odeur de mon fils. C'est comme l'odeur des chats que Dieu a béni. Il commence à libérer la vie. Il a fini. Il se repose. J'estime, il est en train de dire, Seigneur, j'ai fini ma mission. Tu peux maintenant laisser ton serviteur s'en aller en paix. Et puis quelques temps, Esaü arrive. Esaü naye anafika. Papa, baba, je suis là. La voix c'est correcte, il n'y a pas de confusion. C'est vraiment la voix. Le père pique déjà une crise. Baba, kwanza anatetemeka. C'est tu es qui? Wewe ni nani? Dis, mais c'est moi ton fils Esaü. Si mimi mwanako Esaü. Oh. Ton frère est venu prendre la bénédiction. Et je ne peux plus retirer cette bénédiction. Il est béni. Amebarikiwa. Esaü. Na Esaü va pousser des cris amen. Atalia kwa uchungu mwingi. Ce soir, j'ai besoin d'Esaü. Les Jacob peuvent rentrer à la maison. Nous avons besoin d'Esaü. Pousse un cri à mère. Là, le patriarche est en train de dire, j'ai déjà donné. Il n'y a plus rien pour toi. Tu as été disqualifié déjà. L'héritage est déjà parti. La bénédiction Baraka n'est plus là. C'est la bonne volonté. Na kuwa kabisa na tu es mon premier né. Ni msaliwa wangu wa tu as le droit. Wewe unayo haki. Il n'y a plus rien. Lakini hakuna tena kitu. La Bible dit, il poussa des cris à mer. La Bible nasema kalia kwa uchungu. Il prend son père dans les vêtements. Tu vas papa. Et quand le père commence à vouloir les bénir, il le maudit. Il dit, il a rien, je l'ai béni, il est béni. Et il dit, voici, ta demeure est privée de graisse. Papa, où est-ce que tu es? Papa, nini passa? C'est comme Balak. Ni kama vile Balak. Quand Balaam a commencé à maudire, il dit non, non, non. Balaam a nanza si tu ne fais pas les maudire, ne les bénis pas quand même. Mais c'est le contraire. Lakini Esaü sasa inakuwa ni kinyume. Il dit, voici, je l'ai établi ton maître. Tu es esclave d'identité. Ton nom, c'est l'esclave. Ton nom, c'est le dépendant. Ton nom, c'est le serviteur de ton frère. Tu es établi serviteur. Tu es appelé serviteur de ton frère. Tu es appelé esclave de ton frère. Les défavorisés naturels. Les défavorisés par ceux qui devaient le bénir. Si votre maman ne vous aime pas, vous n'avez pas de chance. Celle qui vous a porté 9 mois, si elle ne fait pas attention à vous, vous savez, on doit respecter les mères. Même quand tu as des malformations, la maman te tient, dit, c'est mon enfant. Vous pouvez tout dire. Il y a des moments où même le père prend le fouet, il dit, je vais le taper. La maman dit, oui, il a fait les erreurs. C'est mon enfant. Je ne peux pas nier les 9 mois qu'il a passé dans mon ventre. Je ne peux pas nier les petits coups que j'ai ressentis dans mon ventre. Je ne peux pas nier toute l'attention que je prenais quand je dors pour le protéger. Même s'il est aveugle, même s'il est boiteux, même s'il est maladroit, c'est mon enfant. Oh, combien c'est malheureux quand celle qui vous a porté dans le ventre n'est pas prête que vous soyez béni. J'aurais aimé que Rebecca vienne devant son père pour dire, Isaac, écoute, j'ai des enfants, mais ce sont des jumeaux. J'aurais aimé que Jacob soit, j'aurais aimé que Rebecca dise à Isaac, rappelle-toi que nous avons prié et ce sont les jumeaux. qu'elle fasse. Mais là, il est patient. Pour Jacob. Jacob. Alipendelea Yakobo. Et la disqualifier Esaü. Nakamutupilia Isaï. Et ben, n'a-t-il pas aussi droit à une chance? Ce soir, je veux que quelqu'un prie. Cette personne, quand l'homme de Dieu dit, c'est l'année des élévations multiples. Tu sens que tu es disqualifié. Tu sens que le péché que tu as fait hier te dit tous les autres oui, mais pas toi. C'est toi qui dois pousser un cri ce soir. Combien ça fait mal quand celui qui est votre évaluateur, il est aussi votre ami, et il dit à ceux-là qui doivent donner des contrats, il dit, celui-ci n'est pas digne. Il est le seul qui doit parler pour toi. Mais c'est lui qui te disqualifie. Est-ce que tu es là? Alors que tu viens, tu veux dire, je viens chercher une femme ici. C'est la grande sœur qui est en train de dire au fiancé au salon. Tu as manqué de filles là-bas dehors. Ma petite sœur ici. Tu vas la voir dans sa vraie face. Oh ma sœur, c'est toi qui devais parler. C'est toi qui devais engager mon fiancé. Mais c'est elle qui donne les nouvelles. Même de la chambre. Si est-ce qu'elle t'a dit qu'elle fait pipi au lit? Grande sœur! C'est de toi que je parle ce soir. Celui qui devait t'élever, c'est celui qui cherche ta chute. Combien c'est mauvais d'avoir un ami et celui qui prend les nouvelles pour te clouer. Tu n'as pas de chance. Parce qu'il te connaît noir sur blanc. Et celui qui donne les informations à l'ennemi. C'est une stratégie d'avant. Même les pharisiens ont compris que pour avoir Jésus, il faut avoir un proche. Combien c'est mal quand c'est le proche qui te trahit, quand tu le vois de l'autre côté. En fait, tu sais, il connaît là où il y a les placards, là où vous avez enterré les gens. Il vient d'aller à l'union sacrée. Vous allez faire quoi? Vous devez pour plus parler à la radio. Il faut être c'est l'ami proche et de l'autre. C'est de ça que je parle. Je cherche quelqu'un qui va pousser un cri. Tu es trahi jusqu'aux os. Et tu n'as même pas une défense. En fait, celui qui t'est trahi, c'est le comptable qui a toutes les preuves. C'est lui avec qui vous avez tout fait. Quoi. Je vais parler à quelqu'un qui voit celui qui a la seule clé et qui a fermé. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Tu n'as jamais eu la bénédiction de tes parents. Et cela gratuitement. Les parents ne t'aiment pas pour rien. Même quand tu parles au téléphone, oh mon ami, est-ce que ça va? Alléluia. Et j'aime Dieu parce qu'il est le Dieu des défavorisés. Il est le Dieu des abandonnés. Il est le Dieu de ceux qui sont à la poubelle. Il est le Dieu de ceux qui ne sont pas favorisés. Quand il sélectionne, il ne va pas à une grande université. Il va à la poubelle. Là où il y a les abandonnés. Là où il y a les sans voix. L'église n'appartient pas aux gens qui vont bien. Quand on dit les eaux profondes, Dieu nous dérange avec le programme. Il y a des autres qui ne trouvent leur bonheur que dans ce programme. Est-ce qu'ils sont là ce soir? Je peux vous voir ce soir? Où irais? Là dehors, ce n'est pas de vie. Là dehors, il n'y a pas d'héritage. Il n'y a que toi, Jésus. Il y a quelque chose. Si j'aurais un nom, ça viendra de toi. Parce que mes origines me disqualifient. Ceux qui pouvaient voir la grâce me disqualifient. Mon histoire me disqualifient. Mes origines me disqualifient. Jésus pouvait dire, je ne suis pas venu pour les gens qui ont une bonne santé. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Vous lui dites, mais pourquoi tu es avec les pécheurs? Je ne suis pas venu pour les saints. Je suis venu pour les pécheurs. Y a-t-il les pécheurs ce soir qui disent, Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde? Oh, dans les temples, il y avait deux personnes. La première personne, c'était le pharisien. Il est en train d'adorer. Il dit, Seigneur, merci. Tu m'as aimé. Oh, j'ai étudié. Wow. Je fais une bonne école. Je bénis ton nom. Je parle français plus que tout le monde. Gloire à toi, Jésus. Quand on fait passer le panier, je ne manque pas quelque chose à donner. Merci, il va même dans les détails. Il dit, moi je donne ma dîme. Même des légumes à la maison, je donne. Même les citronnelles, je donne. Mais je ne suis pas comme ces pécheurs. Il y avait quelqu'un d'autre en train de dire, Seigneur, je ne peux même pas lever ma main. Je suis un pécheur. Je ne sais même pas comment je me retrouve dans ta présence. Sois compatissant avec moi. On est encore. Sauve-moi. Je dis, voilà. C'est lui que je cherche. Tu es de quel groupe? Alléluia. Amen. J'aime. Alors qu'Esaïe pousse des cris amers. Il dit, Père, est-ce qu'il n'y a rien de bénédiction? Donne-moi quelque chose. Son père lui dit quelque chose. Il dit, tu vivras de ton épée. Aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi. Tu es défavorisé. Il y a une épée dans ta main. Je voulais que quelqu'un voie l'épée. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas grand. Ce n'est même pas un héritage. Parce que Isaac n'est pas un homme d'épée. Il n'est pas berger. Il n'est pas, je veux dire, il n'est pas derrière le bélier là. Il n'est pas là. Il n'est pas chasseur. Cet enfant a un héritage personnel ou particulier. Et son père dit, tu n'as rien. Je n'ai pas une bénédiction pour toi. Je n'ai rien pour toi. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une épée entre tes mains. Il y a une épée entre tes mains. Il y a une épée entre tes mains. Tu n'as pas l'avantage. Tu n'as pas l'amour de ton père. Tu n'as pas la bénédiction de ta mère. Mais il y a une paix entre tes mains. Il y a une paix entre tes mains. Tu as quelque chose. Tu n'es pas vide. Et je dis, pendant un temps, tu vas être sous ton frère. Mais ton épée, un jour, tu briseras le joug de dessus de ton cou. Je dis à quelqu'un, tu es né de l'espèce, tu es disqualifié depuis le début. Mais ce soir, tu es en train de te dire, viendra un temps, avec la grâce que tu reçois ce soir, tu briseras le joug. Tu n'as pas un diplôme. Tu n'as pas les relations. Tu es défavorisé, tu n'as pas le visage qui peut attirer. Tu n'as pas un angle connu, mais de manière prophétique, comme un prophète de l'Éternel, je dis que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois l'épée. Il y a une épée entre tes mains. Il y a une épée. Cette épée va t'amener à briser le joug. Je déclare que tu vas briser le joug. Je déclare que ce joug sera brisé. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Mon fils, je n'ai plus de bénédiction. Mais je reconnais que tu as une épée. Et tu as une petite liberté. En Erasaïla, tu briseras le joug. Je parle aux défavorisés ce soir. Ceux qui sont dans l'entreprise. On vous oublie même sur la liste de primes. Même quand vous réclamez, il n'y a personne qui peut faire le suivi. Même quand vous venez avec les factures. On a dit, si vous êtes malade, amenez les factures, on va rembourser. Vous, quand vous amenez vos factures, oh Dieu, non, vous, on ne va pas payer. Je dis, il y a un Dieu. Le Dieu des délaissés. Et l'église appartient aux délaissés. En fait. L'église appartient aux gens qui ont la seule option qui s'appelle Dieu. Ils n'ont ni oncle ni tante. Ces hommes et ces femmes qui disent, d'où me viendra le secours? Je regarde à l'Orient. Je regarde à l'Occident. Je ne vois pas là où me viendra le secours. Et il dit, le secours, mon secours, ma guérison viendra de l'Éternel. Ce soir, je ne parle pas aux gens qui ont encore l'argent d'aller en Inde. Je parle à ceux-là. Même quand on dit que le spécialiste est en Inde, quand on parle du montant, c'est qu'on doit vendre même les enfants. Tu es là ce soir. Si tu ne me sauves pas, je suis fini. Je parle à cet homme. Les réunions où on traite ton dossier, tu n'as même pas quelqu'un qui peut t'informer. Et tu n'as personne qui peut même te se souvenir de ton dossier. Pourtant, c'est là qu'on doit décider. Il n'y a que Dieu. Tu n'as pas d'identité. Quand il a fallu que Jésus soit présenté, on l'a référé à Abraham. On l'a référé à David. Si tu ne veux pas croire à Jésus, parce qu'il est simplement simple, on va te rappeler que Jésus s'est humilié, mais il est de la maison royale. Alléluia. Amen. Tu as une épée. Una upanga. Tu briseras le joug. Na utavunja nira. Tu n'as pas d'identité. Hauna utambulisho wote. Mais tu briseras le joug. Lakini utavunja nira. Tu n'as pas d'identité. Hauna utambulisho. Pour avoir une vie qui compte. Fatili ya kuona maisha na yothamani. Mais tout peut commencer par toi. Lakini yote naweza anza. J'aime la réalité entre la généalogie de Jésus présentée par Matthieu. Napenda ukweli ulio kati ya ukoo wa Yesu ambao unaonekana. Et la généalogie de Jésus présentée par Luc. Na ukoo wa Yesu unaonyeshwa na Luka. Dans le livre de Matthieu. Ndani ya kitabu cha Mathayo. Jésus est présenté. Yesu anaonyeshwa. Par rapport kufuatana à son origine bénie. Na mahali ambapo ametokea kibu. On dit l'homme que vous voyez, même s'il est assinglé, c'est un roi, c'est un fils d'Abraham, c'est un fils de la promesse. Et c'est au premier verset. On dit attention, L'homme que vous voulez voir, c'est le fils de David. C'est le fils d'Abraham. Que Jésus ressort de là. Même s'il est à babouche, le modérateur vous a déjà donné l'annonce. Il dit, voici vient l'homme. L'homme qui a le feu. L'homme de Dieu. L'homme puissant. Même quand il vient à babouche, vous avez déjà la foi de recevoir. Mais Luc ne le présente pas comme ça. Matthieu a présenté une généalogie descendante. Matayo alionyesha ile ukoo unayoshuka kuanzia mkubwa hadi kwa mdogo. Me Luc fait une généalogie ascendante. Lakini Luka yeye anafanya ukoo ambao uko na baba. C'est-à-dire Jésus n'est pas connu. Ni kusema Yesu wa Dieu. C'est à partir de Jésus. Lakini ni kuramene maintenant les aïeux. Anarudisha sasa mababu. C'est un homme sans identité. Ni mtu ambaye hana utambulisho. Premier chapitre. Au deuxième chapitre. Inconnu. Hajulikani. Mais quand il se manifeste, lakini anapojionyesha, quand le ciel s'ouvre, wakati mbingu nafunguliwa, qui il est, anasema yeye ni nani, il vit dans quel quartier, anaishi ndani, de qui est-il fils, yeye ni mwana, on recherche le père, on recherche le grand-père, on recherche l'arrière-grand-père, c'est l'histoire de quelqu'un ce soir, tu n'as pas quelqu'un à te présenter, tu n'as pas des origines qui peuvent se lever, mais voici tout partira de toi, voici tout partira de toi. Voici tout partira de toi. Les gens vont se présenter à ton nom. Même ton père. Il dit, en fait, c'est moi le père de tel. On ne dira pas, c'est moi le fils de tel. Oh, il y a des gens qui marchent avec le nom de leur père. Tellement le père est grand. Quand tu dis, je suis le père de tel, on t'ouvre les portes. Mais je parle ce soir à ceux-là qui n'ont pas de père qui ont de nom. Avec le père, il est qui? Bon, c'est pas vous, c'est moi. Je parle de moi-même, je me prêche ce soir. J'ai dit amen moi-même. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Oui, Mungu. Bila oui Mungu. Ça c'est Dieu. D'ailleurs, si on prend ton grand-père, on le présente, on va te chasser. C'est seulement aussi son. Mais avec le Seigneur, quelque chose commence. Je dis quelque chose commence. Quand tu rencontres Dieu, et la prophétie de ce soir, Dieu dit, tu n'as rien. Mais les années, les bénédictions, les élévations multiples te concernent aussi. Tu peux aussi avoir une vie qui compte. Mais je n'ai pas bien étudié. Oui, ça commence avec moi. Mais je n'ai personne au gouvernement. Oui, je sais. Mais je sais aussi que tu as une petite épée. Tu auras un nom. Tu bâtiras un nom. Fais un nom à Ephrate. C'est ce qui a été dit à Ruth. Fais-toi un nom à Ephrat. Fais-toi un nom à Bethléem. Tu n'as pas des origines. Tu n'es pas connu. Mais tu as une petite épée. Et tu briseras le jour. Utilise ton épée ce soir. Utilise ton épée dans la prière. Pousse un cri devant Dieu. David dit, quand je m'écris, loué soit le nom de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé. Jacob a fouillé. Il avait une grande bénédiction. Et quand il est parti, cette bénédiction a multiplié ses ressources. Dans la maison de Laban, il était très béni. Esaü est resté sans bénédiction. Bila baraka. Mais ce qui m'étonne. Lakini nayo nishangaza. Lisons ensemble. Tusome pamoja. Et ça nous pousse dans la prière. Na hii itatuongoza ndani ya maombi. Wow. Au chapitre 33. Kwenye sura 33. Le premier verset. Shaili la kwanza. La Bible dit. Biblia nasema. Jacob leva les yeux. Yakobo akanyosha macho. Regarda. Akaangalia. Voici. Tazama. Esaü arrivait. Esaü alikuwa akifika. Avec 400 hommes. Akiwa na watu 400. Esaü n'a pas été béni. Esaü hakubarikiwa. Mais il Il arrive devant Jacob. Lakini anafika mbele ya Yakobo. Avec 400 gardes corps. Pamoja na watu 400 wanaomlinda. Esau. Esau. Mais tu n'as pas été béni. Wewe hukubarikiwa. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini imepitikana? Il partit et les enfants entre Léa et Rachel. Jacob répartit les enfants entre Léa et Rachel. Na Yakobo akawaganya watoto kati ya Léa na Rachel. Il plaça à leur tête les servantes avec les enfants. Na akawaweka vijakazi wakiwasimamia watoto. Puis Léa avec ses enfants. Na kisha Léa na watoto wake. Et Rachel avec na Rachel pamoja na Yusuf. Lui-même passa devant eux. Yeye mwenyewe akapita mbele zao. Il se prosterna à terre 7 fois. Akashujudi akapiga magoti mara 7. Esau. Qu'est-ce que tu fais, Jacob? Unafanya nini, Yakobo? Je suis à genoux. Napiga magoti. Tu es devant qui? Uko mbele ya nani? À genoux devant qui? Unapiga magoti mbele ya nani? À genoux devant celui qui était défavorisé. Unapiga magoti mbele ya ule ambao alitupiliwa tangu zamani. Tu es à genoux devant qui? Unapiga magoti mbele ya nani? À genoux devant celui qui a été trahi par sa propre mère. Napiga magoti mbele ya ule ambaye amesalitiwa na mama yake mwenyewe. Jacob, mais toi tu es béni. Yakobo, si wewe unabarikiwa. Tu es où là? Je suis à genoux. Wapi ninapiga magoti? Devant qui? Mbele ya nani? Devant celui qui avait l'épée. Mbele ya ule aliyekuwa na upanga. Mais Jacob, arrête! Jacob, tu as pas ça doit être 7 fois. Il n'a pas de quoi marasaba. Ça m'arrive la semaine. On va terminer la semaine. Et la plénitude. Ah, je dois tout terminer. Il n'a pas de malise à yote. Le verset qui me bouleverse. C'est il y a un peu l'île de Changanya. Verset 8. Esaü dit, bon, shimama. Esaü anasema, lève-toi. À quoi destine tous ces camps que j'ai rencontrés? Hii kambi yote ambayo nimekutania nini? Jacob répondit. Yakobo akajibu. A trouvé grâce aux yeux de mon Seigneur. Ni kwa ajili ya kupata neema machoni pa Bwana wangu. Esaü dit. Esaü anasema. Je suis dans l'abondance, mon frère. Niko ndani ya utele ndugu yangu. Oh, je t'ai amené le cadeau du nom. Oh, nimekuletea zawadi hapa na ndugu. C'est toute une ferme. On te parle de trois savages. Wanakuzungumzia chamo. Inakuwa ni ng'ombe, mafarasi, zawadi. La ferme est déjà pleine. Je suis dans la bonne. Mafugo yangu yamejaa na utele. Baki na mambo yako. J'avais volé ta bénédiction. Niliba baraka yako. Tu refuses les cadeaux. Na unakataa zawadi. Tu es dans l'abondance. Uko ndani ya utele. Je crois Esaü pouvait dire. Nikiwaza Esaü angesema. Il y a un Dieu de délaissé. Kuna Mungu walioachiliwa. Il y a un Dieu. Kuna Mungu. De ceux qui n'ont pas la bénédiction. Wala ambao hawana baraka. Il y a un Dieu. Kuna Mungu. De ceux qui sont disqualifiés. Ya wala ambao wametupiliwa. Il y a une vie qui compte. Kuna maisha iliyo na samani. Pour ceux qui n'ont pas des origines fameuses. Kwa wale ambao wametokea mahali ambapo kuna jilikana tu. Tu aspirer à la vie qui compte. Tunaweza sote kutamani maisha. Ce n'est pas un problème de la qualité de l'école. Sio swali la hali ya masomo. Ce n'est pas un problème du quartier où tu as été. Sio shida ya kata ambapo ulikuwa. C'est un problème de foi. Bali ni shida la imani. Et de travail. Na kazi. Le temps me manque pour parler du mystère du travail. Unakosea wakati nilizungumzia dans une vie qui compte. Ndani ya maisha. Son père lui dit. Baba yake anamwambia. Ton épée te relevera. Upanga wako. Ce que tu n'as pas reçu par la bénédiction prophétique. Upokea kupitia baraka. Tu peux l'avoir par un travail. Unaweza kuipata kupitia kazi ya nguvu. Sois émotionnel, mon fils. Uwe mtu wa kutumika sana. Travaille fortement. Tumika kwa nguvu. Tu n'as personne pour parler. Hauna mtu kwa kukuongelea. Tu n'as personne derrière toi. Hauna mtu nyuma yako. Sois conscient. Lakini unasema ton héritage. Na kwamba urithi wako. Et dans ta main. Iko mkononi mwako. Mais c'est malheureux. Na ni ole. Ton père. Baba yako. Vous a mis au monde dans une maison de location. Amewaza ndani ya nyumba ya kupanga. On t'a fait étudier par des crédits. Wakakukusomesha kwa deni. Tu es conscient. Na wewe mwenyewe unajua. Mais quand tu trouves le travail, la première chose, tu achètes un téléphone de $500. Tu n'es inconscient. Tu as un fiancé ou une fiancée? Una mchumba. Oh non, nous allons sortir. Oh, tutatoka. Nous allons aussi. Tutenda serena. Serena. Tutenda kusirina. Oh non, tu naikala pal. Papa. On va s'asseoir là-bas. Oui, hauna baraka. Tu sais que tu n'as pas de bénédiction. Swangali ata nyuma yako hapa. Regarde juste derrière toi. Acha bakwenda baende kwani. Laisse qu'ils vont aller, y aller. Kila mtu na siku yake. Chacun a son jour. Kunywa kumaziwa hapa. Muenda na fiasi yako hapa tu. Walele ici. C'est la mama. Enda pale kituku kuko ma plage yenye haiko ya kulipa. Ikala pale kulipa. Pala ba kituku. Mute banana yenu pale. Aseta banana la ba avec ta. Mwanze kupanga maisha. Wewe unaenda kuserena sana. Comment planifier la vie? Pourquoi tu vas partir à Serena? Le père dit à son fils, Baba na mon fils, mwana. Les autres peuvent être distraits. Wengine wanaweza kuzoa. Mais toi, pour briser les jours, c'est le petit de père qui est ton père. Vous savez, il y a des gens qui ont dit prière. Tu ne peux même pas reconnaître celui qui est à côté de toi. Toi-même, tu connais les démons qui sont dans ta maison. Tu connais les dégâts. Mais toi, tu deviens caméraman. Lakini wewe unageuka kama vile wa kupiga picha. Tu comprends vraiment. Je unaelewa kabisa. Heureusement que Dieu va t'aider. Bahati nzuri Mungu atakusaidia. Amen. Hallelujah. Amen. Jacob était à genoux. Jacob devant l'homme qui a saisi son épée. Jacob était à genoux. Jacob alikuwa anapiga magoti. Et vous savez quoi? Na unajua nini? Esaü l'a laissé même le pays. Esaü akamwachia hata na nchi. À un moment donné la Bible dit c'était dans l'abondance. Kwa wakati mmoja Biblia inasema walikuwa ndani ya utele mwingi. Esaü dit bon, on ne peut plus être là. Hatuwezi kutena hapa sisi wawili na utajiri mwingi na nini. Reste ici, moi j'ai trouvé une montagne. Baki hapa mimi nimepata mlima. C'est la montagne de Seir. Ni mlima wa Yairi. Et même quand les enfants d'Israël. Na hata watoto wa Israeli. Revenez à Adélecit. Rudi toka mimi. Vous savez là? Il y avait déjà deux générations. La génération de Jacob, le patriarche, sont allés en Égypte. Mais Isaïe est resté à Canaan, sur la montagne de Seir. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, pour conquérir le pays, Dieu les rappelle. Il dit qu'il y avait quelqu'un. Il n'avait pas reçu la bénédiction de son père. Mais je lui ai déjà donné une montagne. Ne les confondez pas aux Cananéens. Vous ne toucherez pas à la montagne de Seir. Il a été donné aux enfants de Seir. J'ai dit à quelqu'un, l'héritage que tu vas avoir à la prière de cette semaine, même là les générations, on reconnaîtra que c'est lui ya kwamba, de l'homme qui avait reçu le matunda ya mtu aliyepokea upanga, de l'homme qui avait reçu le pain, ya mtu aliyepokea upanga, de l'homme qui a été béni, ya mtu aliyebarikiwa, à la faveur. Même sans un grand nom, hata bila jina kubwa, ta vie va compter. Maisha yako yatakuwa na thamani. De manière générationnelle. Na itaenda hadi vizazi. De manière générationnelle. Itaenda vizazi. La Bible dit le juste. Biblia inasema mwenye haki. Il laisse l'héritage. Anaacha urithi. Aux enfants. Kwa watoto. Ses enfants. Na watoto watoto wake. Laisse-moi clôturer à 10 ans. Acha nimalize nikisema. Kama tu es en train de présenter la généalogie de Jésus. Wakati anaonyesha ukoo wa Yesu. Il dit Jésus. Anasema Yesu. Fils de David. Mwana wa Daudi. Fils d'Abraham. Mwana wa Abraham. Il y a une erreur terrible qu'il commet. Hapa kuna kosa kubwa anayoifanya. Et il dit. Anasema. Il est né. Amezaliwa. De tel homme. Ya mtu fulani. Il a eu avec Rahab. Na alimpata pamoja na Rahab. La prostituée. Rahabu kahaba. J'aime la précision biblique. On dit dans les ancêtres de Jésus. Premièrement, dans la loi généalogique, on ne parle pas des femmes. Mais il y a trois femmes. Lakini kuna wanawake tatu. Non seulement elles sont femmes. Hapana tu ni wanawake. Mais elles sont étrangères. Lakini ni wanawake wageni. Non seulement elles sont étrangères. Hapana tu ni wanawake wageni. Elles ont des identités bizarres. Ni wanawake bizarres. Kuwa na utambulisho. Tu as rendez-vous avec quelqu'un qui a un nom bizarre. Una Mungu anatakutana mtu ambaye iko na utambulisho mbaya. Est-ce qu'il y a le degré grâce ici ce soir? Je kuna watu wanema hapa jioni leo. Est-ce qu'il y a les safari, les gens nés dans les safari? Je kuna watu ambao wamezaliwa ndani ya safari, wa safari hapa. Patience, kuna patiente nini? Mtu ambaye jina lake ni vumilia. Vumilia. Dieu a rendez-vous avec vous. Mungu atakutana na wewe. Tu femme. Wanawake tatu. Deviennent des ancêtres de Jésus. Na kuwa mababu ya jioni leo. Nous voulons appeler l'onction. Natamani kuita utabu. Pile za sao na shimika mababu. Bao na shimika mababu. Tu m'as donné une promesse. Mungu amenipa ahadi. Hey, la dit. Na nasema. Ya Allah. Kuna kwenye kanisa la des autorités watu wenye mamlaka sans pouvoir mbao wana uwezo ce soir jioni leo je vais les redonner le pouvoir nitawapa tena uwezo ça c'est une promesse hii ni ahadi si tu ne crois pas moi je la reçois kama uamini mimi na je sors ce soir avec plus d'autorité j'ai une promesse de Dieu na ahadi ya Mungu je m'a rappelé une promesse qu'il m'avait donné à 2014 Dieu m'avait montré un grand plateau de pain et il fallait que le vin arrive et Dieu m'a dit le vin arrive le pain était déjà là mais le vin arrive le vin arrive le vin arrive le vin qui amène l'autorité je voyais des hommes et des femmes établis et mis autorité c'est une chose d'être assis dans un trône c'est une autre chose de décréter comme autorité c'est ce que le Seigneur va faire dans les quelques minutes la fille on dit Rahab la prostituée Ruth la Moabite Bethsheba la femme de Troy mwanamke wa watu uko nasikia vile tetesa odi bon les ancêtres de Jésus unasema mababu za Yesu c'est Abraham ni Abraham c'est David ni Daudi mais bon lakini il vient d'Obed-Edom wanatokea Obed-Edom qui avait une femme kuna kuwa mwanamke mmoja ambaye alikuwa kwa odi rit la Moabite ruta wa Moabite on est en train de dire Lit, rit ruta qui vient de la tribu de l'Esef là où le grand-père le grand-père a couché avec ses filles Joy Kizazi yenye na ingia mukizazi ya Yesu génération qui entre dans la génération de Jésus c'est un joville bali njo bali zala Yesu et c'est ceux-là qui ont enfanté Jésus sana shtu kama namwambia bo lorsqu'il mukizazi mwingine yeye notre parent baba jina yake konzuri son papa son nom est beau lakini alizalaka na ule kahaba wa mais elle a donné naissance avec cette Jéricho de Rahab la prostituée de Jéricho mais Jésus était en train de montrer lakini Yesu que la grâce peut te relocaliser la grâce peut te prendre de Jéricho là où Dieu a dit tu seras rasé tu seras détruit mais si tu mènes oh un cordon rouge sur la fenêtre un cordon rouge il fallait que Rahab la prostituée qui avait reçu les espions mette un cordon rouge à la fenêtre quand on a vu le cordon rouge c'était l'image de la croix c'était la marque du sang de Jésus on dit celui-là il va quitter les gens qui sont destinés à la mort il va être dans les gens dont la vie compte pour le salut de l'humanité les gens qui vont mettre au monde pas pour ajouter les bandits dans le monde les gens qui vont mettre au monde pas pour ajouter les fumeurs de chambre pas pour ajouter les ADS mais ils vont mettre au monde les messies ils vont quitter la malédiction pour être utile pour assenter le messie y a-t-il quelqu'un qui a une grossesse messianique reçoit la grâce de quitter le jugement et laisse dans la maison bénie dans la descendance des gens dont la vie compte pour Dieu Dieu essaye de nous dire dit, bon, elle était prostituée. Mais sa vie a compté pour moi. Quand je préparais la venue de Jésus, elle est dedans. Elle est dans mon programme. Sa vie est rentrée dans le programme du royaume. Sa vie est rentrée dans l'utilité messianique. Lève-toi, nous prions. Si mama, tu t'aomba. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je connais tout. Qui sent que tout ce qu'il aura vient de la croix. Voici, donnez-nous ce cantique. Nimeokoka na furahi. Nimeokoka na furahi. Na zambi zangu zimekoma. C'est ce qui fait que nous puissions quitter cette génération. Je veux que quelqu'un qui n'a ni bénédiction ancestrale, tu n'es pas de grandes familles, tu n'as pas un background glorieux, tu n'as pas un nom pour être utile, mais tu crois que ton utilité vient du salut. Le salut, si on te demande un CV, tu vas dire ce n'est pas des CV, mais j'ai le salut. Ce n'est pas un CV, mais j'ai rencontré la croix. Celui dont la croix c'est le seul CV, il va louer le Seigneur. Et après ça, nous allons prier. Chante comme si c'était la dernière chanson. Na zambi zangu zimeosha, nataka kumutumikia Mokozi wangu siku zote. O nimeokoka, nimeokoka na furaha. Na zambi zangu, na zambi zangu zimeoshwa. Ni nataka, nataka kumtumikia Mokozi wangu siku zote. Nimeiba, nimeokoka, nimeokoka na furaha. Na zambi zangu, na zambi zangu zimeoshwa. Nataka mimi, nataka Mokozi wangu, Mokozi wangu siku zote. Hey, zamani bibi, zamani nilikufa sana, na minyororo, na minyororo ya shetani. Nikamwendea, nikamwendea Bwana Yesu, amani weka huru kweli. Zamani bibi, zamani nilikufa sana, na minyororo, na minyororo ya shetani. Nikamwendea Bwana Yesu, Mwokozi wangu, amani weka huru kwe. Zamani bia huyu, nilifungwa sana, na minyororo ya shetani. Nikamwendea nanyo, Bwana Yesu, amani weka huru kwe. Nimeokoka, nimeokoka na furaha. Zambi zangu, nataka mimi, nataka kumtumikia wangu, Mokozi wangu siku zote. Nataka mimi, Mokozi wangu, Mokozi wangu siku zote. Naimba mie, naimba sasa aleluya, kwa usalama mie, kwa usalama nimepata, kutoka katika uzuri, ameniweka mie, ameniweka huru kweli. Naimba sasa, naimba sasa aleluya, kwa usalama nimepata, kutoka katika utumwa. Hiko kwa sauti, ameniweka huru, ameniweka huru kweli. Halelele, naimba sasa aleluya, kwa usalama nimepata. Nimeokoka, nimeokoka na furaha. Na zambi zangu, na zambi zangu zimeoshwa. Nataka mie, nataka kumtumikia Mokozi wangu, Mokozi Le travail qui commence. Jusqu'à ce que tu commences à prier. Nous n'aurons pas beaucoup de temps dans la prière. Il y a une nuée qui est là, qui est en train de déplacer les hommes et les femmes. David dit, quand je loue le Seigneur, je suis délivré. Ce soir, Dieu donne des noms nouveaux. Ce soir, Dieu donne une identité. Et cette identité commence par la joie que Dieu te donne. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il est là, le Dieu. Le Dieu qui agit. Mungu. À Jéricho. Moko siwe tua. Pura dunia. Yes. A tu goza pa neema na na tu shibisa toza ma yuko pamoja na sile haitaisha ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale Oh, mon Kodi, mon Kodi, tu es à toi, dans tout papoula, à Dounia. Eh, à tout, mon Kodi, en toi, mais vraiment là, dans tout Sibi. Oh, j'en j'aime, eh. Madame, you faut pas moi, j'en ai dit, eh. Ah, il t'a dit, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Oh, pura, pura, Alléluia, Alléluia, nini na tu walizi na tu kisaribiwa kisaribiwa kweli kwa tu walizi o minguni ya minguni ya tutao na kawe unduni wala mato oh ale ale ale ale ale Merci pour la grâce. Nous élevons la grâce. Ngolu, Ngolu Nayo, Ngolu Nayo Kolo, Ngolu Nayo, Ngolu Nayo. Merci pour l'Angolu. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce, Jésus. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce, Jéhovah. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce, Emmanuel. Merci pour la grâce. L'Oriland de la gloire et la Ménégo. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce, Seigneur. Yeah. Oh, Ne maya golikosa, ne maya Bwana. Jioni ya leo, tunainua neema ya Yesu. Jioni ya leo, tunainua neema ya Yesu. Tunainua neema ya golikosa. Ori ya saraka teremoshe. Rimera mamadamana korila saya. Neema ya golikosa. Neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema tele na ya milele, neema ya Golgotha inaleta jina, neema ya Golgotha inaponya magonjwa, neema jioni ya leo tunaita neema, jioni ya leo tunakaribia neema, jioni ya leo tunainua neema. Vibrosi ribos ropresia menegari. Thank you Jesus, thank you Jesus. Lift a man up. Nyosha mikono yako tu. Neema ya Golgotha. La grâce. Ni kama bahari ku. Dieu est en train de toucher pendant ce temps. La grâce connaît le nom de ton problème. Neema najua jina ya shida yako. La grâce connaît les liens qui te dérangent. Neema najua. La grâce connaît l'autorité dont tu as besoin. Neema najua mamlaka unayohitaji. Je vois les hommes remplis de l'esprit par la grâce. Et quelqu'un dira, mais est-ce que lui peut être aussi rempli de l'esprit? Quelqu'un à côté dit, mais est-ce qu'il peut être rempli de l'esprit? Mais c'est la grâce. La grâce est en train de sélectionner quelqu'un. Maya Goliko. Quand il s'assoit de tuer, ben Maya Goliko. Oh, Reste calme, laisse la grâce faire ministère dans ta vie. Il y a des moments où la grâce de Dieu prie pour toi. Je vois trois choses que Dieu fait pendant ce temps. Il y a des gens qui sont rétablis dans l'autorité. Et tu sentiras comme un feu monter dans ton corps. Tu sens comme une chaleur. Et tu perds le contrôle. L'autorité de Dieu qui est en train de t'atteindre, ça te localise. Il y a des hommes, deuxième catégorie, qui sont en train d'être déplacés. Des généalogies maudites. Des sources maudites. Dieu les déplace spirituellement. La Bible déclare: lèvez-vous et partez, car c'est le point ici et lié de repos. Et vous m'invoquerez et vous partirez parce que je vous exaucerai. Je vois quelqu'un recevoir quelque chose et on dit: mais est-ce qu'elle mérite ça? Est-ce qu'il mérite ça? Et Dieu dit: c'est par ma grâce. Yes. Thank you. Thank you, Holy Ghost. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Quatre. Délivre, Seigneur. C'est très fort. Je vois quelqu'un perdre le pédale. Tu ne sauras pas résister. C'est plus fort que ton intelligence. C'est plus fort que ta maîtrise. Déborde. Déborde. Dieu paye la facture médicale de quelqu'un. Une maladie est en train de sortir. Et tu sentiras une forte douleur au niveau de ton bas ventre. Ça sera tellement fort. Et tu t'avanceras ici. C'est la guérison. C'est la guérison. Jésus. Merci Jésus. Que les liens de famille tombent maintenant. Que les liens de famille lâchent prise. Que les esprits de famille sortent. Les intercesseurs, vous pouvez amener ceux qui sont en train de se toucher. Il y en a d'autres qui sont par terre. Il y a une grâce ce soir. Le vent est fort. Il y a des liens qui ont été dans des générations. Lâche-vise dans le nom de Jésus. Que la grâce localise quelqu'un. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Le Saint-Esprit, Rome Takatifu, il est celui qui donne un nom nouveau. Ndiye upana jina mpya. Quand l'homme de Saül a été loin, wakati Saul alipakwa, on lui a dit, walimwambia, quand tu verras ces signes, utaona alama hizi, tu seras changé en un autre homme. Utabadilishwa kuwa mtu mwingine. Je vois la grâce qui change les gens à un autre homme. Naona neema inabadilisha kuwa mtu mwingine. Je vois le vent de l'esprit. Naona upepo wa roho. Il y a des gens qui ont perdu leur parler à langue. Na watu wamepoteza kuonena. Qui les récupère à ce moment. Anaipata sasa. Il y a des gens qui ont perdu leur énergie spirituelle. Watu wamepoteza nguvu yao ya kiroho. On a volé la grâce. Wameiba neema. Par des cadeaux. Je vois quelqu'un qui a reçu des cadeaux. Ça volait son autorité. Dieu répare une autorité nouvelle. Il y a une grâce du Saint-Esprit qui circule dans la salle. J'aimerais que tu fasses une petite prière. Je veux dire une douce prière. Commence seulement à entrer dans l'intimité avec Dieu. Et il y a un torrent qui va monter dans la vie de certaines personnes. Commence à parler au Seigneur. Jinganga kolo. Jinganga. Nabungisa ya. Te. Te. Te. Nabungisa elika. Kondima nanga. Eta wana yote. Kolo lobiko nanga. Te. Te. Te. Nabungisa eh. Je ressuscite les morts. Les hommes vivent. Nabungisa Elikia. Kondima nanga. Eta wana yote. Kolo lobiko nanga. Jinanga. Jinanga ikolo. Oma mai. Nangolu na yo, oyo kufera kimba. Namakila na yo, peto na mai Yesu. Kolo, lobiko na mba. Jingama, jingama ikolo, oma mai Yesu. Nangoru na yo, oyo kufera jimba. Namakira na yo, eto na mai Yesu. Kolo, kobiko na mba. Jimanga, jimanga ikolo, oma mai Yesu. Nangoru na yo, oyo kukela kika. Nama kila na yo, beto na mbani Yesu. Kolo, kukiko na mba. Ojimanga, jimanga ikolo, kolo, mbani Yesu. Nangoru na yo, oyo kukela kika. Nama kila na yo, weto na mbari Yesu. Kolo, kolo, kubiko na mbari. Kolo, kolo, kubiko na mbari. Kolo, kolo, kolo, kolo, kolo, kubiko na mbari. Kolo, kolo, kolo, kolo, kolo, kolo, kolo, kolo, kolo, kolo, kolo, kolo, kolo. Quelqu'un prie en esprit. Quelqu'un entre dans la profondeur. Il y a une autorité renouvelée. Il y a une destinée renouvelée. Il y a une autorité que Dieu renouvelle. Il y a une autorité que Dieu relève. Prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Et il y a un vent. Le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit de Christ. L'esprit qui nous rappelle. L'esprit qui nous relève. L'esprit qui nous console. L'esprit qui nous voit. L'esprit qui brise les jougs. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je clôture cette prière. Si tu es malade, tu touches là où il y a la maladie. Si tu as soif de la puissance de Dieu, lève tes deux mains en haut. Si tu as un problème qui te tient, tu ne sais même pas quoi faire. Mets tes mains sur ton cœur. Et le Seigneur se voit. La musique est calme. Dieu, il est celui qui guérit. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La Bible dit, les butins du puissant lui seront enlevés. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Touche les malades, Seigneur. Libère les captifs, Dieu. Remplis les vases. Remplis les vases. Libère la grâce. Jésus baptise du Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Quatre personnes. Qui étaient victimes. Qui étaient déjà dans le piège. Ritrema gari rabashaka. Zura brase karema saigori anteleglare lante la florissante. Mane garia sita la coria sai zipe caricata riprosima mi garia riboria riparia gloria sai si carima sai glori sai megaza yenda ya brosi mania rianda la gloria masa glori sata ritame ribrasa espiremon relâche rocky fuatiria so doka. Sors là de ta vie. Donc, on a attiré ma chère. Yes. Elle est libre. Je vois quatre personnes qui traversent de l'autre côté. Qui traversent de l'autre côté. Recevez la grâce de la traverser dans le nom de Jésus. Que la grâce vous localise. Oh, thank you, Jesus. Une grande bouche s'ouvre. C'est comme un grand ministère qui était bloqué. Tu vas sentir comme un vent dans ton ventre. Un cri va sortir de toi. C'est la libération. Reçois la provision. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Pour ta grâce. Merci pour la libération. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Tu payes des factures. Il y a des factures qui sont en train d'être payées. Des factures médicales qui sont en train d'être payées. Je ne sais pas c'est quelle maladie qui est en train d'être guérie. Mais quelqu'un va pouvoir vérifier. Quelqu'un va pouvoir vérifier. Il y a une forte puissance de guérison. Recevoir la guérison. Je maudis les cancers. Je maudis les sida. Je maudis la maladie. Elle pêche. Merci Jésus. Merci Père de gloire. Tu es merveilleux. Alléluia. Nakomi na suka Yesu. Makasi Yesu linga. Mongola li kambo nangaye salela ngai ngolu nayo nakomi na suka Yesu